les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Né en 1095, année qui marque le début de la première croisade, mort en 1188, quelques mois après que Saladin a repris Jérusalem aux Francs, Oussama ibn Munkid est un prince syrien dont la vie nous est connue grâce à un livre de souvenirs qu'il dicta à la fin de son existence. Neveu du prince régnant sur la forteresse de Cheysar, située dans la vallée de l'Oronte, en Syrie du Nord, il devint guerrier, puis homme politique au service de trois grands seigneurs de l'islam, Zengi, Nur al-Din et Saladin. En 1983, il était l'inconnu de l'histoire dont Jean Montalbetti retraçait le parcours dans trois émissions nourries par ce récit autobiographique que le grand spécialiste de littérature arabe André Miquel venait alors de retraduire. Dans le premier volet, ce dernier nous racontait les années de formation du jeune guerrier et l'échiquier complexe que constituait alors le Proche-Orient, divisé entre principautés musulmanes et rivalité entre Arabes et Turcs. Première diffusion sur France Culture le 23 décembre 1983. Unknown people in history. Disconosciuti nella storia. La storia dos desconhecidos. Unbekannte der Geschichte. L'uomo non si rarezzaro. The unknowns of history. Les inconnus de l'histoire. Je suis un oublié du destin. On croirait un chameau fatigué errant dans le désert. تناستني الآجل حتى كأنني ضريئة صفر بالفلت حاصر. Que me font les honneurs et la gloire et l'aisance si je ne brise plus les épées et les lances? Enquête sur un prince syrien du XIIe siècle. Premier épisode, la formation d'un chasseur de lions. Oussama ibn Munkid par Jean Montalbetti, médiateur André Miquel, professeur au Collège de France, consultant Mohamed Rekaya, Françoise Michaud, avec les voix de François Darbon et de Boudjema Bouada dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy. Cette longue carrière. Je suis au bout. Que souhaiter d'autre que la mort? Une année chassant l'autre, il ne me reste guère de vigueur pour répondre aux attaques du sort. Le terme est proche. En moi, les forces se défont. Je suis trahi. Mes yeux, mes oreilles s'en vont. Suis-je debout? Je crois porter une montagne. Quand je marche, mes pas sont d'un homme entravé. Je me traîne et ma main, cette vieille compagne de guerre, qui portait et la lance et l'épée, tient un bâton. La nuit, sur un lit moelleux, se passe en veille dans le trouble, et pour un peu, ma couche deviendrait de pierre. Ainsi va l'homme. La vie nous prend tous à rebours, et quand nous sommes comblés de tout notre être, achevés pleinement, nous voici revenus à nos commencements. Thank you. لما بلغت من حياتي إلى المدن قد كنت أهواه تمنيت الردى لم يبقي طول عمري من المنتت ألقى بها صرفة زمني إذا اعتدى ضاعفت قويا وخانني تقاتان من البصر والسمع حين شرفت المدى La vie nous prend tous à rebours. Et quand nous sommes comblés de tout notre être, achevés, pleinement, nous voici revenus à nos commencements. André Miquel, professeur de langue et de littérature arabe classique au Collège de France, vous avez consacré l'un de vos séminaires du Collège à l'étude d'un document, un document rare, je crois, dans la littérature arabe, une autobiographie, celle d'un prince syrien du XIIe siècle, Usama ibn Munkith, qui a eu une longue vie, puisque c'est une vie de 93 ans, entre 1095 et 1188. Vous venez d'ailleurs d'établir une nouvelle édition de ce livre sous le titre « Des enseignements de la vie » que vous avez sous-titré « Souvenirs d'un gentilhomme syrien du temps des croisades ». Usama naît en effet en 1095 au moment justement où est prêchée en Occident la première croisade par Pierre l'Ermite et par le pape Urbain II, et qui aboutira à la prise de Jérusalem par les croisés à la toute fin de ce XIe siècle, c'est-à-dire en 1099. Et puis, un an avant la mort d'Usama, Saladin va reprendre Jérusalem aux Francs en octobre 1187, donc exactement 88 ans plus tard. Alors, document rare, document important, quelle a été, André Miquel, votre première rencontre avec ce texte ? À la vérité, c'est un souvenir tout à fait personnel et ancien. Je me trouvais à ce moment-là, en 1953, au Proche-Orient pour me familiariser, je n'ose pas dire encore me perfectionner en arabe, me familiariser avec la langue arabe et la civilisation arabe. J'étais à Damas, mais je faisais de fréquentes visites à Beyrouth, où j'étais chargé de cours de philologie française à Beyrouth. Et j'ai rencontré là un homme tout à fait extraordinaire qui s'appelait Henri Seyrig, le père d'une actrice célèbre. Qui a été directeur des musées de France. Voilà, qui a été directeur des musées de France et qui à ce moment-là dirigeait l'Institut d'archéologie de Beyrouth. Et c'est Seyrig le premier qui m'a parlé d'Usama. Et c'est chez lui, dans cette merveilleuse bibliothèque, que j'ai lu pour la première fois la vieille traduction d'Ehrenburg. Alors c'est une traduction qui date de la fin du siècle dernier. Est-ce qu'on peut considérer d'Ehrenburg comme le découvreur de ce texte, ou le redécouvreur ? C'est vraiment d'Ehrenburg qui a découvert Usama, qui a publié le texte arabe, qui en a publié une traduction. En fait, j'ai travaillé bien sûr sur le texte arabe édité par d'Ehrenburg et sur les trois traductions de d'Ehrenburg, de Hitti et l'allemande de Rotter, je crois. Quatre-vingts ans vécus ont ravagé ma peau. Pieds qui vacillent et mains qui tremblent me désolent. Lorsque j'écris, je fais brinque-ballet les mots, comme un dont les deux mains hésitent et s'affolent. Qui le croirait ? La plume est un fardeau trop lourd à ce bras qui cassait la lance au cœur des lions. Je vais bâton en main, et mon pied est si gourd que le sol le plus dur devient glaise sans fond. Dites, à tel qui rêve une longue existence, d'une aussi longue vie, voyez les conséquences. L'œuvre conservée d'Usama est donc le récit de sa vie. Son autobiographie, c'est aussi le dernier texte qu'il ait écrit, ou plutôt le dernier texte qu'il ait dicté. Dans quelles circonstances est-ce qu'il fait le récit de ce qu'il appelle les enseignements de sa vie, et à quel genre littéraire arabe peut-on le rattacher ? Nous ne savons pas pourquoi il a décidé à l'extrême fin de sa vie de dicter ses livres. Ce qui est sûr, en effet, c'est que, aux portes de la mort, comme il le dit lui-même, à 90 ans et plus, il a éprouvé le besoin de dicter ce livre. Pour, évidemment, raconter sa vie, mais pas comme nous l'entendrions aujourd'hui. Car ce qui l'intéresse, lui, c'est de délivrer un enseignement moral. Cet enseignement moral, c'est que le destin est maître du jeu. Le destin, disons, le destin est l'instrument de Dieu. Dieu, à travers de ce que nous appelons le destin, est maître du jeu, règle les événements à sa guise, et règle à sa guise les vies des hommes. Je pense que ce qui a dû le fasciner à l'extrême fin de sa vie, c'est d'être arrivé si vieux, après s'être tant battu, avoir reçu tant de blessures, et nous dirions aujourd'hui de mourir dans son lit, alors que son livre le prouve, tant de jeunes hommes qui étaient promis à une vie heureuse, paisible, sont morts par une série d'aventures tout à fait diverses, non seulement la guerre, mais la chasse, les accidents, les piqûres de guêpes et autres. À quel genre est-ce que cela appartient? Je crois qu'il appelle ça une leçon, vous appelez ça une leçon? Oui, c'est une leçon et c'est un genre, ou en tout cas un thème, qui est fréquent dans la littérature arabe, c'est le thème de la tajriba, de l'expérience. Cette expérience pouvant être celle des individus ou celle des nations. Les tajarib ou même les expériences des nations constituent un thème tout à fait courant dans la littérature arabe classique. Et c'est dans cette direction qu'il s'engage au moment où il ouvre son livre. Il veut délivrer un enseignement. Cet enseignement, il le délivre à la première personne et il l'appuie sur son expérience. C'est un récit du jeu. Oui, oui, c'est un récit du jeu. C'est pourquoi on appelle quelquefois ce livre, le Kitab el-Yartibar, les enseignements de la vie, une autobiographie. C'est en effet une autobiographie. Pas tout à fait comme nous le dirions aujourd'hui. Enfin, c'est un homme qui tout de même reste discret et très pudique. L'étalage du jeu tel que nous le connaissons depuis Saint-Augustin ou Rousseau, par exemple, est absolument inconnu dans cette littérature. C'est un jeu qui est un témoin. Ça n'est pas un jeu qui se déballe, si vous me permettez l'expression. C'est un jeu dont l'irruption dans le texte est toujours commandée par la leçon à délivrer. Mes forces déclinent et se délabrent. Les douceurs de la vie ont pris fin à jamais. Un trop long séjour parmi les hommes m'a mené au rebours de moi-même. Le feu qui jaillit des ténèbres ne peut retomber qu'au néant. Il en est maintenant de moi, comme j'ai dit. Je suis un oublié du destin. On croirait un chameau fatigué, errant dans le désert. 80 ans, c'est trop. Je suis privé de nerfs. Vais-je pour me lever? Je me sens tout brisé. Il me faut pour prier m'asseoir. Et si je veux m'agenouiller, je dois rassembler mon courage. Allons, si j'en suis là, je connais le message, que le voyage est proche et le départ sous peu. Il y a tout de même une dimension psychologique et affective aussi, surtout lorsque le vieillard parle justement oui. de son grand âge. Bien sûr, et c'est cela qui nous le rend très émouvant. Au fond, je dirais brutalement que ce livre commence par le moins intéressant, par les souvenirs d'Égypte, et que petit à petit, la progression se fait. Et de cela, nous avons des preuves formelles, car ce livre se ferme par deux fois. Il se ferme une première fois sur le véritable enseignement que voulait délivrer Oussama. Après quoi, il se rouvre une première fois pour une série d'apologues moraux qui sont toujours dans la ligne du livre, mais qui sont davantage extraits du contexte proprement historique. Puis Oussama ferme une nouvelle fois son livre, et il y a là une invocation magnifique au Seigneur, dans laquelle Oussama lui demande pardon d'avoir tant parlé de lui. Et il reste qu'après cette invocation qu'on croirait la véritable invocation finale du livre, une autre partie, la dernière, se rouvre pour les souvenirs de jeunesse et de chasse. Et alors là, véritablement, c'est le plaisir de parler de soi, de l'enfance et de l'adolescence dans le, dans le château familial avec le père bien-aimé. Et véritablement, là, il n'y a plus du tout référence au thème central du livre, les enseignements de la vie. Là, dans ces dernières pages, Oussama se livre au pur plaisir de parler de lui. Et maintenant, je suis comme une jeune fille alanguie, dont le corps nonchalamment repose au plus moelleux des lits, invisible au-delà des tentures, des voiles. Me voici pourrissant d'une trop longue escale, rouillé comme une épée qu'on délaisse au fourreau. Fini la guerre et ses cuirasses. Les manteaux de Dabik sont pour moi maintenant. Ah, malheur à ces manteaux. Malheur à moi. Ce dont mon cœur rêve à jamais n'est pas l'agrément de la vie. Le bien-être n'est pas son fait, ni son souci. Que me font les honneurs et la gloire et l'aisance si je ne brise plus les épées et les lances. Malheur à moi. Ce dont mon cœur rêve à jamais n'est pas l'agrément de la vie. Le bien-être n'est pas son fait ni son souci. Que me font les honneurs et la gloire et l'aisance si je ne brise plus les épées et les lances. Mohamed Rekaya, vous êtes maître assistant à l'université de Paris 3 et spécialiste de l'islam classique. Françoise Michaud, vous êtes maître assistante à l'université de Paris 1 et spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge. Pourrait-on situer quelle est la situation du Proche-Orient, disons, au début du XIIe siècle, à la fois vu par rapport à l'histoire du monde arabe et vu par rapport à l'histoire du monde chrétien, c'est-à-dire vu du côté des Francs, dans les années de formation d'Oussama, puisqu'il est né en 1095, disons jusque vers 1120. Mohamed Rekaya. Les croisés arrivent dans un Proche-Orient qui est musulman et non pas arabe. La différence est extrêmement importante parce que les différenciations étaient sans confessionnelles, c'est-à-dire qu'on raisonne en tant que musulman et non musulman. Et les musulmans englobent plusieurs ethnies. Ces ethnies ont des statuts différents, comme conquérants ou conquis, puisque ceux qui ont formé le monde musulman à l'origine étaient des Arabes. Mais à l'époque qui nous intéresse, les Arabes sont soumis par les Turcs. Ce qui est amusant d'ailleurs dans l'autobiographie d'Oussama, c'est que bien souvent il dit les Arabes, et il ne semble pas s'inclure d'ailleurs dans cette appellation. Bien entendu, parce que nous reviendrons sur ce contexte de discorde entre musulmans d'origine ethnique et culturelle très différente, dont les Francs ont profité et qui explique le succès miraculeux de la première croisade et des premiers succès justement dans cette période de formation d'Oussama, ce qui explique aussi pourquoi les Francs, qui étaient une poignée de combattants, ont pu tenir si longtemps. En principe, le monde musulman est représenté par un seul souverain qui est le calife, successeur du prophète, mais ce calife abbasside, qui est donc membre de la famille du prophète, n'a plus aucun pouvoir, et ceci depuis deux siècles. Et son pouvoir est délégué en fait à celui qui a le contrôle de la situation politique et militaire, qui s'appelait l'émir des émirs dans la période précédente et qui a pris le nom de sultan, qui veut dire souverain, celui qui dispose du pouvoir temporel depuis 1055, depuis que les Turcs se sont emparés de Bagdad. Et le peuple qui est en face des croisés, ce ne sont pas les Arabes, ce sont les Turcs en tant que peuple. Il y a des solidarités et des rivalités entre Turcs, Kurdes, Arabes et Francs, puisque nous avons des alliances qui se font et qui se défont. Les grands centres de pouvoir sont à l'extérieur de la zone de l'établissement des Francs. Le calife abbasside réside à Bagdad. Le principal chef turc de la dynastie des Seldjoukides, qui s'est emparé donc de l'Orient à partir du XIe siècle, est également à Bagdad. Mais il y a d'autres princes turcs Seldjoukides qui sont installés à Damas ou à Mossoul, d'autres qui ont réalisé un exploit pour la première fois, c'est-à-dire que le rêve des Arabes de s'emparer de l'Asie mineure commence à être réalisé par les Turcs à partir du XIe siècle, et toute cette réalité se trouve superposée à des réalités locales qui sont les seigneurs locaux d'origine diverse, turcs, arabes ou autres. Et qui sont à la tête de petites principautés. Qui sont à la tête de toutes petites principautés. Ce sont des seigneurs musulmans, mais malgré leur islam, la chose qui est fondamentale pour eux, c'est de préserver leur autonomie ou leur indépendance. Et je crois que Oussama est un excellent exemple, puisque nous le voyons guerroyer aussi bien contre les Francs que contre les musulmans. On a un monde musulman qui est extrêmement vaste, qui est beaucoup plus étendu que les quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés qui seront conquis par les Francs entre le début de la croisade et 1120, ces débuts de formation, ne sont par rapport à l'immensité du territoire musulman rien du tout, mais qui localement sont assez important, et je crois que du point de vue occidental, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Françoise Michaud, Oussama est contemporain du début de la croisade, de la première croisade. Une coïncidence amusante, Oussama est né en 1095. 1095, c'est l'année même au cours de laquelle, à Clermont, le pape Urbain II appelle à la croisade. Et c'est l'année où Pierre l'Ermite prêche la croisade populaire. Dès l'année suivante, les croisés, essentiellement originaires des pays du Nord, de France et de Lorraine, se mettent en branle vers l'Asie. Ce sont des hommes qui viennent donc des régions qui étaient les plus éloignées géographiquement et culturellement du monde musulman. Ils étaient certainement mus par des convictions profondes et une foi sincère. Les croisés pensaient, après le concile de Clermont, qu'ils allaient délivrer leurs frères chrétiens d'Orient persécutés par les Turcs, installé au Proche-Orient, donc depuis quelques décennies. Et alors, en fait, quelle était la situation des chrétiens avant le début de la croisade au Proche-Orient ? Eh bien, disons qu'elle n'était pas si mauvaise que cela. Dans ce Proche-Orient musulman que Mohamed vient de nous décrire, n'oublions pas que des communautés chrétiennes subsistaient, nombreuses et fortes. Si ce Proche-Orient est effectivement un Proche-Orient musulman, il l'est parce que le pouvoir est aux mains de musulmans, il l'est parce que la majorité de la population s'est désormais convertie à la religion islamique, mais des communautés chrétiennes d'obédience différente subsistent. On trouve des jacobites, des nestoriens, des melkites, des arméniens et encore quelques autres. Bien sûr, ces chrétiens subissaient quelques mesures discriminatoires, par exemple le port d'un vêtement particulier ou l'interdiction de certaines pratiques qui auraient, disons, choqué la susceptibilité des habitants musulmans. Quelles pratiques, par exemple ? Par exemple, l'interdiction de faire des processions à l'extérieur des églises ou de manger du porc en public. Mais ce qui est certain, c'est que ces chrétiens, que l'on appelle les immis, parce qu'ils jouissaient d'un statut de protégés, ne ressentaient pas leur situation comme plus dure que celle qu'ils avaient connue auparavant, par exemple à l'époque byzantine. Et il n'y eut nullement, contrairement à ce qu'une historiographie traditionnelle a pu rapporter, de persécution de ces populations chrétiennes. Françoise Michaud, à l'issue de la première croisade, alors quelle est l'implantation des Francs en Palestine ? Elle ne se situe pas en un seul endroit. Les Francs se sont installés selon, disons, la frange littorale. Donc les États latins forment une mince bande du nord au sud, avec au nord la principauté d'Antioche, à côté le comté d'Édesse, au centre le comté de Tripoli, ce qui correspondrait très grosso modo à notre Liban actuel, et au sud, le royaume de Jérusalem, puisque la ville de Jérusalem a été prise le 15 juillet 1099. Quatre principautés ou États très autonomes ou très liés ? Relativement autonomes. Tout comme les voisins musulmans, les souverains, le comte d'Édesse, le prince d'Antioche, le roi de Jérusalem et le comte de Tripoli vont chercher chacun à assurer son pouvoir et à agrandir son territoire. Dans les années suivantes, il y aura d'ailleurs un certain nombre de villes littorales qui ont été prises. Ceci ne représente que de petits États dans lesquels, bien entendu, les croisés étaient minoritaires, dans lesquels ils se sont simplement substitués aux maîtres précédents, aux maîtres musulmans qui étaient là. Ils ont pas du tout colonisés ou peu colonisés, en ce sens qu'ils ont simplement cherché à assurer leur pouvoir et à percevoir les impôts et les taxes qui étaient perçus précédemment par les maîtres musulmans. Souvenir d'un gentilhomme syrien au temps des croisades, le récit autobiographique d'Ousama nous montre, fait apparaître une personnalité, celle d'un jeune prince syrien au début du IIe siècle, qui va vivre la première partie de son âge, même assez tardivement, jusqu'à l'âge de 43 ans, dans le château, la forteresse qui est la propriété familiale. César. Alors, où se trouve exactement César et dans quel contexte géographique sommes-nous ? Alors, nous sommes dans la Syrie éternelle. Et César est situé une forteresse qui verrouille une partie de la vallée de l'Oronte, qui est ce fleuve qui part à peu près des mêmes lieux que le Jourdain, mais qui lui coule vers le nord et qui ensuite se jette dans la Méditerranée, dans la région d'Antioche et d'Alexandrette, c'est-à-dire en Syrie du Nord. Avant de déboucher dans les plaines de Syrie du Nord, l'Oronte passe par un défilé, et c'est là, sur ce défilé, qu'est installé le nid d'aigle de Cheysar avec sa forteresse. C'est un point de passage pratiquement obligé. En tout cas, c'est un château qui, je viens de le dire, verrouille l'accès à la Syrie du Nord. Alexandre est passé par là. Les Égyptiens passeront par là également. Bref, tous les envahisseurs qui ont sillonné la Syrie du Nord passent par la région de Cheysar, et Cheysar commande une des routes principales de cette région. L'autre route étant celle de la côte, bien sûr. C'est une forteresse qui, à l'époque d'Ousama, est donc occupée par une ethnie arabe et qui a été à plusieurs reprises occupée également par d'autres envahisseurs. Oui, en fait, c'est un château et une ville, car il y a tout un ensemble fortifié. il y a sur le Piton le château, qui est lui-même une petite ville, disons, ou un gros village entouré de son enceinte, et qui surveille en bas le pont sur l'Oronte, à côté duquel s'est établie une ville qu'Oussama appelle la ville du pont, qui elle-même est fortifiée avec, nous le supposons, une enceinte. Telle quelle, bien sûr, que Cheysar a toujours éveillé les convoitises. Elle a été, comme je l'ai dit, la proie des Égyptiens de Thoutmôsis III. Elle a été ensuite conquise par les Grecs et les successeurs d'Alexandre. Elle a été ensuite conquise, évidemment, par les Arabes au moment de leur expansion en Syrie. Conquise, d'ailleurs, le mot est trop fort parce que, d'après ce que nous savons, d'après les textes des historiens arabes, elle s'est rendue de très bonne grâce. Ce qui d'ailleurs n'était pas un cas exceptionnel pour les conquêtes arabes, étant entendu que les Arabes laissaient les populations sur place, vous le savez, continuer la religion grecque ou juive. Alors ensuite, elle a suivi le sort de cette Syrie du Nord, et pour en revenir à Oussama, la famille d'Oussama fait un peu figure étrange dans ce contexte, car les villes de Syrie à l'époque où naît Oussama sont turques, ou plus exactement, elles sont gouvernées par des princes turcs, qu'il s'agisse de Damas, de Homs, de Hama, d'Alep, ou en allant vers l'Irak, de Mossoul. Et cette famille des Munqidites a réussi à se maintenir à Cheysar au prix naturellement de tractations, de vassalité avec les unes ou les autres des principautés turques avoisinantes, et bientôt avec les croisés qui sont tout près, qui sont à Antioche. Et les Munqidites, donc la famille d'Oussama, sont des Arabes. Quelle est leur origine géographique? D'où viennent-ils? Au moment où je crois que c'est le grand-père d'Oussama qui va fonder justement cette dynastie. C'est le grand-père d'Oussama qui la fonde. Si j'ai bonne mémoire, ce sont des Arabes de l'Arabie du Centre. Enfin, ce qu'on appelle les Arabes du Nord par opposition aux Yéménites qui sont eux les Arabes du Sud. C'est la grande distinction traditionnelle alors chez les Arabes. Oussama fait donc partie, lui, de la troisième génération à Cheysar. Oui. Il fait partie de la troisième génération et là aussi les choses sont un peu étranges parce que normalement il aurait dû être prince de Cheysar puisque par le jeu normal des successions, c'est son père à lui, Oussama, qui un jour s'est retrouvé prince de Cheysar. Et cet homme, visiblement, n'était pas fait pour commander, en tout cas n'aimait pas commander, ou en tout cas n'aimait pas commander à l'échelon supérieur. Et Oussama nous le dit, ses deux grandes passions, c'était de recopier le Coran et de faire la chasse. Et le père d'Oussama, un jour, a laissé la principauté à son frère cadet, l'oncle, qu'Oussama admire d'ailleurs, avec lequel il se brouillera, mais qu'il admire également beaucoup. Je dirais que mon père, Dieu le prenne en pitié, avait consacré son temps à réciter le Coran, à jeûner et à chasser pendant le jour. Et quant à la nuit, il copiait le livre du Très-Haut. Il en avait réalisé ainsi 46 reproductions complètes de sa main. Dieu le prenne en pitié. Dont deux en lettres d'or, d'un bout à l'autre. Un jour, il montait à cheval pour aller chasser. Et le jour suivant, il se reposait. Il jeûnait sans arrêt. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Nous sommes trois ans après la naissance d'Oussama, en 1098, lorsque le père d'Oussama hérite de cette principauté et la laisse à son plus jeune frère, Sultan. On a l'impression que ce père d'Oussama, dans son récit, c'est tout de même son modèle, c'est-à-dire le poète, l'écrivain, le religieux aussi, bien entendu, le chasseur, qu'il va, au fond, lui, à son tour, être. Il n'y a pas de doute que, pour une large part, Oussama, c'est la reproduction du modèle paternel. Sauf, peut-être, disons, avec plus de nuances en ce qui concerne la religion. Je crois qu'Oussama était un musulman convaincu, un sunnite plus précisément convaincu. Il ne nous laisse pas un portrait de dévot. Il est croyant, mais certainement pas dévot, alors que son père l'était. Il raconte qu'il a recopié le Coran plusieurs fois, qu'il a demandé à être enterré avec certaines de ses copies du Coran. On n'a pas le sentiment qu'Oussama aille si loin dans la voie de la piété. Reste que sa religion est hors de question. Alors pour le reste, le modèle joue à plein. La chasse, la guerre, l'écriture, comme nous dirions aujourd'hui, il n'y a pas de doute que tout cela va dans le sens d'un héritage. Et Oussama le dit, et ce n'est pas un des moindres mérites de ce livre, que de temps en temps, en effet, la tendresse exige une écriture claire. Et Oussama le dit quelque part, je me souviens très précisément de tel ou tel épisode parce que j'y ai participé avec mon père. Est-ce la tendresse que j'avais pour lui ou la tendresse qu'il avait pour moi? En tout cas, le fait est que je m'en souviens. Il n'y a pas de doute que c'est un homme qui a été très très attaché au modèle du père et à la personne du père. En ce tout début du XIIe siècle, quelle est la formation que reçoit ce jeune prince syrien Oussama à Chezar? C'est une formation que j'appellerais classique dans un milieu princier. Elle est double. Elle est théorique et elle est pratique. Elle est théorique, je veux dire par là que Oussama d'abord a appris le Coran, il ne nous en dit rien, mais c'est vraiment le béaba. Mais qu'il s'est formé également à la grammaire, aux belles lettres, ce que les Arabes appellent l'adab, et de façon plus générale, à toutes ces disciplines qui, de l'histoire à la poésie, en passant par la rhétorique, constituent le bagage de l'honnête homme de l'époque. Il nous a conservé le souvenir de deux de ses maîtres, au moins, dont l'un est réfugié à Chezar après l'incendie de la bibliothèque de Tripoli. C'était le bibliothécaire de Tripoli, la bibliothèque a été incendiée par les croisés, et ce bonhomme est venu se réfugier à Chezar, où il est devenu l'un des deux précepteurs d'Oussama. Il y en a un autre qui est, si j'ai bonne mémoire, le maître de grammaire et de rhétorique, et que Oussama moque dans le cours de son livre, en faisant ce que nous appellerions aujourd'hui un portrait classique de l'intellectuel, doux rêveur, peu porté sur les exercices virils. Ce qui frappe d'abord, c'est la magnifique formation qui lui est donnée. Est-ce que justement, on ne lui donne pas cette formation extraordinairement complète parce qu'il est considéré un peu comme l'héritier de cette principauté dans la mesure où son oncle n'a pas à l'époque de successeur, d'enfant? Sans aucun doute. On a visiblement veillé avec un soin jaloux à l'éducation du jeune prince qui était amené à prendre un jour la tête de la principauté de Chezar. Cela dit, dans cette civilisation arabo-musulmane classique, l'accès à la culture représente aussi une chance sociale. Il ne faut jamais l'oublier. Des gens très très humbles, sortis des milieux les plus bas de la société, peuvent être repérés comme cela par quelqu'un, un riche bourgeois, un riche marchand, qui décelant des dons exceptionnels chez un jeune garçon, peuvent très bien s'occuper de son éducation. Autrement dit, l'accès à la culture est évidemment lié aux conditions sociales, dans l'énorme majorité des cas, mais les exceptions ne sont pas rares. Si vous lisez des biographies de poètes ou de savants du Moyen-Âge, vous en trouverez beaucoup qui sont issus des couches inférieures de la population. On peut imaginer comment a été composée la maison de ce prince syrien, dans quelles conditions il vivait. il nous la livre par touche, au moins ce qui concerne bien sûr le château. Ce château se perchait sur les bords de l'Oronte. Dont il reste des ruines, des vestiges archéologiques. Dont il reste des ruines, qui ont été remodelées ensuite, notamment à partir de l'époque de Saladin et à l'époque mamelouk. Mais si vous vous promenez dans Cheïsar, vous verrez le site et le château, c'est encore le château d'Oussama. Alors ce château, c'est en fait un véritable village qui doit se composer de plusieurs maisons d'habitation à l'intérieur de l'enceinte. Il est visible, par exemple, que le père d'Oussama, qui n'est plus déjà le chef de la principauté, a ses appartements réservés, et Oussama aussi, sans doute. Il est visible aussi que les femmes y ont leur quartier, puisque Oussama nous évoque à un moment donné la mère et la fille sur le balcon qui domine le précipice, hein, qui lui-même donne sur l'Oronte. Maison, d'ailleurs, il ne faut pas imaginer un luxe princier, comme nous avons tendance à le faire dans notre imagerie d'occidentaux. Tout cela est certainement très modeste, et il n'y a pas, s'il y a des rapports hiérarchiques, il y a en contrepartie une très grande familiarité entre ce que nous appellerions les maîtres et les serviteurs. Je dis les maîtres et les serviteurs, il faudrait y ajouter les animaux, car au moins les quartiers du père abrite une invraisemblable collection d'animaux, des rapaces sur leur perchoir, un guépard apprivoisé, sans compter, plus prosaïquement, toute la basse-cour. Avec sa mère, et plus particulièrement, quelle est la place de la mère, mais aussi plus généralement de la femme dans cette société syrienne? La pudeur, qui est une des marques essentielles de ce récit à la première personne, déjà perceptible dans tout ce que nous dit Oussama vis-à-vis du père, l'est encore davantage en ce qui concerne les femmes. Il y en a très peu dans le récit d'Oussama. La grand-mère, la mère et quelques autres qui n'appartiennent pas à la famille, mais dont Oussama raconte, sinon la vie, du moins un épisode de leur vie. Ces femmes, en réalité, sont le pivot de la famille pour deux raisons. D'abord parce que ce sont elles qui fournissent les hommes à la famille, ce sont elles qui portent dans leur sein les futurs guerriers, les futurs nobles qui font Cheïsar. Et ensuite, parce que, comme le dit Oussama, elles ont l'honneur encore plus chatouilleux que nous autres, que celui des hommes. Et il en donne plusieurs exemples qui sont toujours en effet des exemples d'honneur. Lorsqu'il évoque sa mère et sa sœur à la fenêtre qui domine l'Oronte, c'est dans une circonstance très particulière. La forteresse vient d'être attaquée par les Ismaéliens et la mère place la fille au balcon avec l'intention tout à fait délibérée de la précipiter dans le vide si jamais le château était envahi, donc pour lui éviter d'être déshonoré. Et Oussama conclut à propos de ces femmes, il a une très très belle parole pour dire à la fois que c'est par elle que passe la vie du groupe et que c'est en elle que gît véritablement l'honneur suprême du groupe, il dit tout simplement « Par Dieu, de telles femmes sont les mères des hommes ». Ces femmes, la maison plus largement du prince, et Oussama nous indique que sa maison comprend une cinquantaine de personnes, doivent être protégées par le guerrier en cas d'invasion notamment. Elles sont également une sorte de monnaie d'échange lorsqu'il y a des prisonniers qui sont faits, non seulement dans les conflits qui opposent les ethnies arabes entre elles, mais également dans les conflits qui opposent les Arabes aux Francs. Il est vrai que souvent une noble prisonnière est d'abord très très bien traitée, non seulement au nom du code de l'honneur, mais par l'argent qu'on peut en retirer. Et Oussama en donne quelques exemples, en effet. Ces prisonnières, d'ailleurs, pouvant être, comme vous le dites, soit des prisonnières musulmanes dans la mesure où la guerre oppose des principautés musulmanes, ou, à l'inverse, des prisonnières franques en territoire musulman ou musulmanes en territoire franc. Parmi les gens qui furent faits prisonniers ce jour-là, il se trouvait une femme d'excellente naissance arabe. Dans les temps qui précédèrent, et alors qu'elle habitait chez son père, on avait parlé d'elle à mon oncle, Ezdin la Sakir Sultan, Dieu le prenne en pitié. Il avait donc envoyé pour la voir une vieille femme de son entourage, laquelle au retour dépeignit la jeune fille, sa beauté, son intelligence. De deux choses l'une, ou bien l'on avait largement satisfait à sa cupidité, ou bien on lui avait fait voir une autre femme. Toujours est-il que mon oncle demanda la jeune fille en mariage et l'épousa. Mais lorsqu'elle rentra chez lui, il vit un tout autre tableau que celui qu'on lui avait fait. Avec cela, la femme était muette. Il paya la dot qu'il lui devait et la renvoya chez les siens. Or, cette même femme enlevée à sa maison, à sa famille, fut faite prisonnière au jour dont je parle. « Je ne laisserai pas aux mains des Francs, dit mon oncle, une femme que j'ai épousée et qui s'est découverte devant moi. » Il paya, Dieu le prenne en pitié, 500 dinars de rançon pour la prisonnière et la fit reconduire chez les siens. Aspects principaux de la formation de Oussama va être la formation à la chasse, et on a le sentiment que son maître S-chasse, c'est d'abord son père dans les récits qu'il nous fait des chasses à Chaza, et c'est aussi son oncle Sultan. Oui, ce sont le père et l'oncle Sultan qui sont ses maîtres en ce qui concerne la chasse. Et la première impression quand on lit ses souvenirs de chasse dans la dernière partie du livre, c'est d'abord l'extraordinaire richesse de cette Syrie du Nord en animaux sauvages. Il y a, on peut dire, de tout, depuis les serpents jusqu'au lion, en passant par le sanglier, les hyènes, les panthères, les loups, enfin, tout y est véritablement, sans parler du petit gibier et des oiseaux qui abondent. Alors ce sont deux types de chasse justement très différents. La chasse à l'animal sauvage, comme principalement les panthères et les lions. Et d'autre part, la chasse alors aux oiseaux, aux sauvagines par exemple, ou bien la chasse aux lièvres. Alors ce sont des chasses très différentes d'abord par les territoires. À l'est, lorsqu'on regarde l'intérieur des terres, c'est visiblement la chasse en terrain découvert, sur le désert ou du moins sur la steppe. Au contraire, entre l'Oronte et la mer, c'est un pays de montagne, où là, au contraire, la chasse est davantage affaire de ruse plutôt que forcément que de course, n'est-ce pas ? De traque plutôt que de tir ou de chasse à longue portée. Ça, c'est une première distinction. La seconde distinction viserait à l'utilité de la chasse. Il y a une chasse que l'on fait parce qu'elle procure du gibier. Il y a une autre chasse que l'on fait parce qu'elle permet de tuer, tout simplement. C'est notamment pour le sanglier. Ces gens sont des musulmans, le sanglier est considéré comme est un porc sauvage et par conséquent sa viande ne se consomme pas. Et on a l'impression que d'ailleurs beaucoup de ces chasses aux animaux sauvages ne sont pas des chasses organisées avec des battues, mais que bien souvent l'opération chasse est déclenchée parce qu'on a signalé la présence d'un tigre, d'une panthère à tel Absolument. Ou tel endroit. Donc il y a une sorte de défense de la collectivité qui se porte vers l'animal sauvage exactement comme elle se porte vers l'ennemi, vers le franc s'il est signalé à tel ou tel endroit. Tout à fait. Les paysans signalent la présence d'une panthère ou d'un lion dans le voisinage et c'est aussi une activité de défense. Activité de défense, mais aussi plaisir de tuer, soit pour la chair, soit pour la peau, je pense au lion ou à la panthère, soit tout simplement pour le plaisir de tuer un animal considéré comme impur. J'ai pu voir chez les lions des choses que je n'aurais pas soupçonnées, car je ne pensais pas qu'il en était d'eux comme des hommes, tantôt courageux et tantôt lâches. Un jour, le gardien de nos chevaux vint vers nous, au galop, nous dire qu'il y avait 3 lions dans les forêts de Tel Touloul. À cheval, nous allâmes par là. C'était bien une lionne qui suivait 2 mâles. Comme nous battions le fourré, la lionne nous attaqua, chargea nos gens, puis s'arrêta. Fonçant sur elle, mon frère, Bahad Daoula, Aboul Monqid et Monqid, Dieu le prenne en pitié, la tua d'un coup de lance et lui brisa l'arme dans le corps. Revenus au fourré, nous fûmes attaqués par l'un des 2 lions qui donna la chasse à nos chevaux. Nous l'attendîmes, mon frère Bahad Daoula et moi, sur le chemin qui le ramènerait, sa poursuite finie, puisqu'aussi bien le lion, quand il a quitté un lieu, il revient nécessairement, infailliblement. La croupe de nos chevaux tournait dans la direction du fauve et nos lances pareillement pointées vers l'arrière, nous pensions qu'il allait s'en prendre à nous et que nous pourrions le tuer en lui plantant nos lances dans le corps. Mais le voilà tout à coup qui passe comme le vent à côté de nous pour aller à l'un de nos compagnons nommé Sadallah Sheibani dont la jument sous l'attaque se retrouve au sol. Je touchai le lion de ma lance au beau milieu du corps et il mourut sur place. Nous revînmes ensuite vers celui qui restait. Il y avait avec nous une 20aine de fantassins arméniens, excellents archers. Le lion apparut. De tous les 3, c'était le plus imposant. Il s'avançait. Les Arméniens accompagnaient sa route en le criblant de flèches et moi, j'accompagnais la leur, attendant qu'il les attaquât et s'en prit à l'un d'eux, s'offrant ainsi à balance. Mais il allait toujours. Chaque fois qu'une flèche s'abattait sur lui, il rugissait. Il agitait la queue, et je me disais, « Maintenant il va charger. » Mais il allait toujours, et continua ainsi jusqu'à ce qu'il tombât mort. Oussama est justement le spécialiste de la chasse au lion. Oui, d'abord, il avait prédestiné. Il a un prénom qui veut dire lion. Nous dirions aujourd'hui qu'il s'appelait Lionel, par exemple. Mais il le porte bien, ce nom. Il dit qu'il est lui-même le spécialiste de la chasse au lion et qu'il en a tué des dizaines et des dizaines, soit en compagnie, soit même seul. Alors, en dehors de la ruse, est-ce qu'il y a non seulement une tactique de la chasse, notamment à la chasse à la bête sauvage, mais est-ce qu'il y a aussi un rite avec des rôles très définis de tous les participants à la chasse? Alors, il y a des rôles qui, en réalité, sont eux-mêmes distribués par les animaux, je veux dire les animaux auxiliaires. Les animaux auxiliaires, ils sont au nombre de 3. Il y a le cheval, et Dieu sait qu'on l'aime, il porte des noms propres. Il y a le chien. Tous ces hommes sont des cavaliers. Sont des cavaliers. On pourrait même dire des chevaliers, pour reprendre sont l'expression. Des sont des cavaliers, Franck. Mais il y a aussi les serviteurs qui trottent à côté. Notamment le serviteur Pierre, un jeune chrétien, qui, après avoir, je pense, abattu ses 40 kilomètres dans la journée à courir à côté des princes qui, eux, sont à cheval, trouve encore le moyen de faire déborder son énergie en poursuivant aux abords de Chaisar, lorsqu'on rentre à la nuit tombée, de poursuivre ses jeunes camarades à coups de pierre et de courir dans ce que nous appellerions en Occident la garrigue pour continuer sa petite guerre avec ses amis. Alors il y a donc le cheval, il y a le chien, et notamment le braque de Dalmatie, que l'on fait venir évidemment à prix d'or, les slougis, les fameux lévriers slougis d'Arabie du Sud, moins présents dans l'œuvre d'Oussama, cheval, chien, et enfin, bien sûr, le rapace apprivoisé, et le seigneur des rapaces, qui n'est pas, comme nous pourrions le croire, le vautour, mais l'autour. Et ces autours, on les fait venir également à prix d'or, surtout de Constantinople et d'Iran. Et il porte des noms, dont un auquel Oussama consacre plusieurs pages. C'est autour qui est l'ami de son père, que son père lui-même baigne et emporte sur son lit lorsqu'il va se coucher. Et qui sera enterré dans un cercueil. Et qui sera enterré dans un cercueil, en grande pompe, avec récitation de versets du Coran à l'appui, et non pas enterré à Chaisar, mais dans une principauté turque voisine, dont le prince est un ami de la famille. Mon père, Dieu le prenne en pitié, possédait parmi les guépards l'équivalent d'El Hachour pour les autours. On l'avait pris sauvage. Le serviteur préposé au guépard se chargea de cette bête, l'une des plus grosses de son espèce, lui incisa le nez et le dressa. Il acceptait d'aller en croupe, mais pas de chasser. Il resta dans ces dispositions longtemps, un an environ, puis un jour, nous sortîmes vers les fourrés. Les cavaliers y pénétrèrent pendant que je restais posté à l'oreille, le guépardier à mes côtés, avec sa bête. Une gazelle sortit des fourrés dans ma direction. Je poussai le cheval que j'avais sous moi afin de ramener la gazelle vers le guépard. Plus rapide qu'elle, il la heurta du poitrail, la jeta au sol et le guépard la saisit d'un bond. On eût dit d'un dormeur qui se serait réveillé en criant « Attrapez autant de gibier que vous le voudrez ». Car il fut ensuite capable de prendre autant de gazelles qu'il s'en montrait. Chaque fois que son maître le croyait arrêté, il se remettait à courir et prenait des gazelles. Ce guépard fait partie lui aussi de la maison. Il loge dans la cour, il a sa niche, il a sa couverture. On le corrige lorsqu'il fait des bêtises et il se tient en croupe derrière le père d'Oussama. Et on le lâche naturellement au moment venu contre les gazelles. C'est un animal par ailleurs assez capricieux, qui ne chasse pas toujours, qui chasse quand ça lui plaît. Mais alors, dit Oussama, lorsque véritablement il est bien luné, alors c'est véritablement le seigneur de la chasse. Les armes employées au cours de ces chasses sont les mêmes que celles de la guerre ? L'arc et la lance, fondamentalement. Pas l'épée, bien sûr, contre, mais arc et lance, surtout. Et poignard. Est-ce que cette chasse est un exercice de guerre ou est-ce que c'est un jeu, une partie de plaisir ? Les deux. C'est un exercice de guerre dans la mesure où il y a un ennemi à repérer d'abord, à débusquer ensuite et à traquer enfin. Et conçu sous cet angle, c'est un premier apprentissage pour un jeune seigneur qui un jour doit devenir chef et guerrier. Mais c'est fondamentalement un jeu, c'est un jeu merveilleux. On le voit bien, lorsqu'il pleut depuis 3 jours, ces gens tournent en rond, festoient et boivent même de bons coups, pas Oussama, mais enfin certains de ceux qui sont avec lui, parce qu'en effet, ils sont enfermés dans leur forteresse et qu'il pleut depuis 3 jours, qu'ils ne peuvent pas sortir. À la vérité, ils chassent tous les jours. Est-ce que, comme à la guerre, il y a des morts aussi du côté des assaillants, du côté des chasseurs ? Sans aucun doute. Il y a des hommes dévorés tout crus, il y en a d'autres lacérés à grands coups de griffes. Il y a des estropiés de la chasse au lion, sans des gens à qui il manque une main ou un pied, ou un œil, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Thank you. Les Inconnus de l'Histoire, enquête sur un prince syrien du XIIe siècle. Premier épisode, la formation d'un chasseur de lions. Ousama Ibn Munkith, par Jean Montalbetti. Médiateur André Miquel, professeur au Collège de France. Consultant Mohamed Rekaya, maître assistant d'histoire de l'islam classique à Paris 3. Et Françoise Michaud, maître assistante d'histoire du Moyen-Âge à Paris 1. Les textes de l'autobiographie d'Ousama, des enseignements de la vie, traduites par André Miquel, ont été dits par François Darbon et par Boudjema Bouada. Prise de son, Patrice Klein, mixage, Daniel Bizien, réalisation, Christine Bernard-Sugy. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 décembre 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.